Dieu, qu'il y en a des croix sur cette terre. Croix de fer, croix de bois, humble croix familière. Petite croix d'argent pendue sur les poitrines. Vieille croix des couvents perdue parmi les ruines. Et moi, pauvre de moi, j'ai ma croix dans la tête. Immense croix de plomb, vaste comme l'amour, j'y accroche le vent, j'y retiens la tempête, j'y prolonge le soir et j'y cache le jour. Et moi, pauvre de moi, j'ai ma croix dans la tête. Un mot y est gravé qui ressemble à souffrir, mais ce mot familier que mes lèvres répètent est si lourd à porter que j'en pense mourir. Mon Dieu, qu'il y en a sur les routes profondes, de silencieuses croix qui veillent sur le monde. Haute croix du pardon, tendue vers les potences, croix de la déraison, ou de la délivrance. Mais moi, pauvre de moi, j'ai ma croix dans la tête. Immense croix de plomb, vaste comme l'amour, j'y accroche le vent, j'y retiens la tempête, j'y prolonge le soir et j'y cache le jour. Mais moi, pauvre de moi, j'ai ma croix dans la tête, un mot y est gravé qui ressemble à souffrir, mais ce mot familier que mes lèvres répètent est si lourd à porter que j'en pense mourir.